Chapitre 4. Dans le village désolé où plus rien ne bouge et sur lequel s'étend la nuit, est-ce l'ombre d'un nuage qui passe, chassé par le vent? On dirait le frôlement d'un pas discret. Est-ce une bête nocturne qui vient, attirée par l'odeur du sang, rôder autour des cadavres? Non, c'est la veuve du cacique, la belle Anakua d'autrefois, la triste Anakua d'aujourd'hui, qui se glisse, furtive, à l'ombre des cases vides. Quand elle eut vu son mari foudroyé en la défendant, son premier mouvement avait été de s'abandonner à la mort, pour l'aller rejoindre au pays des âmes. Il se dressait, offrant sa poitrine aux arquebuses. Soudain, un cri aigu l'avait fait tressaillir. Ce cri partait de sa hutte. C'était son enfant qui l'avait poussé. Anakua bondit, mais elle arriva trop tard. Un Espagnol venait de jeter le petit être à terre et de l'éclouer d'un coup de hallebarde. La mère retint l'orage d'injures et de sanglots qui montaient dans sa gorge. Elle se blottit derrière un des piliers de sa maison, guettant l'occasion d'étrangler le bourreau de son fils. Mais elle voulut regarder son enfant une fois encore. Il n'était pas mort tout à fait, et palpitait, râlant doucement, les mains tendues. À ce spectacle, son énergie la trahit. Les forces lui manquèrent. Elle tomba sur le sol, pâmée, espérant mourir. Ce n'était qu'une défaillance, hélas, et elle se ranima avant que les Blancs eussent achevé leur hideuse besogne. Mais elle se réveilla tout autre qu'elle s'était endormie. Une force étrange la soutenait. Elle se sentait lucide et vigoureuse, assez pour défier tous les obstacles. Vivre, voilà ce qu'elle voulait à cette heure, et d'une volonté singulière. Pour vivre, la première chose à faire était de fuir. Elle y réussit. Elle se glissa hors de ce lieu de dévastation, franchit les palissades à la faveur de la fumée et de la nuit, déjoua l'attention des sentinelles, distraite d'ailleurs par les détonations, et se glissa dans la forêt. Abritée par les arbres, elle se tint là, assez près du village, tant que durèrent les cris. Puis, quand vint le jour éclairer le massacre, elle fit le tour de l'enclos où hennissaient les chevaux des guerriers, où aboyaient leurs chiens, et gravit la colline au pied de laquelle était bâti le village. Là, elle avisa un grand figron, y grimpa, cédant des lianes. Elle s'était bien orientée. Du haut de cet observatoire, elle distinguait à merveille tout ce qui se passait entre les huttes. C'est là qu'elle assista à l'interrogatoire des captifs, qu'elle applaudit à leur résistance, qu'elle devina le lâche consentement de Ganagari et ajouta sa malédiction à celle des femmes de sa tribu. Assis sur une maîtresse branche, la tête appuyée au tronc rugueux, elle y passa la nuit, roulant des projets farouches, à ce point brûlée par la fièvre qu'elle ne songeait pas avoir faim. Elle vit les Espagnols se mettre en marche, guidés par le sorcier. Elle les entendit s'éloigner du côté de la montagne et comprit qu'elle se dirigeait vers les mines. Elle laissa passer la journée et ne descendit du figron qu'à l'heure où le soleil, en plongeant sous les vagues, interrompit le concert des oiseaux. Elle vint à un ruisseau, où elle but avidement, et s'aperçut seulement alors que sa main avait été traversée d'une balle. Elle lava la blessure et la banda d'une feuille étroite et luisante trouvée au bord de l'eau. Puis elle se mit en marche du côté du village, attentive et s'arrêtant à chaque pas. Aucun danger d'ailleurs. Ceux des Espagnols qui ne couraient pas vers les mines de Cibao montaient la garde autour du fort et du navire. Anakua s'en rendit bientôt compte. Et une fois la palissade franchie et les premières cases dépassées, elle redressa sa taille et avança avec moins de précaution. Elle considérait les huttes ouvertes et le pêle-mêle attestant les furieuses recherches des visages pâles. De longs soupirs gonflaient sa poitrine. Enfin, elle arriva à la toboa du cacique. Et elle n'eut pas besoin d'y entrer. Son enfant était là, gisant sur le seuil, le cou ouvert, tendant vers elle ses petites mains crispées. Elle s'agenouilla, baisa son front glacé, le releva avec précaution, comme si elle eût craint de le réveiller, et les mains embarrassées de ce triste fardeau, elle se dirigea vers le carbet. C'est là, autour de la case des chefs, que s'était concentrée la lutte, c'est là qu'elle avait vu tomber son époux. Brusquement, Anakua fit un pas en arrière. Adossé à un tas de morts, son boutou, son masque de bois dur, à la main, Kaoubao semblait fixer sur elle ses yeux grands ouverts. La lune éclairait en plein le cacique. Il était couvert de sang. La mort l'avait surpris dans la fureur du combat. Entre ses lèvres grimaçantes luisaient l'émail de ses dents. Malakoua regardait son époux, immobile elle-même et comme pétrifiée. À la fin, secouant sa torpeur, elle déposa l'enfant dans les bras de son père et leur ferma les yeux à tous les deux. Puis elle alla prendre un poignard à la ceinture d'un Espagnol dont un coup de massue avait écrasé la face. Revenue auprès de Kawabo, elle saisit d'une main sa longue chevelure noire, en tordit les tresses, les trancha d'un coup et les étala sur les deux cadavres comme un manteau de soie. Alors elle se releva, considéra longuement ces deux êtres à jamais glacés, tout ce qu'elle avait aimé au monde, et se mit à leur parler, d'abord d'une voix si basse qu'on l'eût prise pour le souffle du vent passant dans la forêt. « Oh, mon époux » murmura-t-elle, « oh, mon fils, vous voilà froid comme la neige. Vos yeux qui m'ont vue souriante ne se rouvriront pas, et moi je ne sourirai plus. Tamou a permis cela, mais il a permis aussi que je survive. J'ai perdu, oh mon fils, la joie de te bercer avec une chanson pareille au murmure des sources, la joie d'éventer ton sommeil avec les fleurs du bananier. J'ai perdu, oh mon époux, l'orgueil de te voir marcher à la tête de la tribu, l'orgueil de me dire ton unique épouse. Mais il me restera l'orgueil de me dire ta veuve. Il me reste la joie de vous venger. Je suis la seule que n'aient pas égorgé les blancs. Aussi, comme ma tâche est longue et que les heures sont courtes, je n'ai pas pris le temps de vous ensevelir. Hélas, dans quel coin de terre pourrais-je vous déposer où l'orage ne vint troubler votre repos? J'ai mis seulement sur vous mes cheveux, qui vous protégeront du soleil et de la pluie. Tu reposes, ô chef, ton arme au poing, sur le monceau de cadavres qu'a renversé ton bras. Mais je te ferai bientôt de plus belles funérailles. J'étendrai sur ta large poitrine les chevelures des envahisseurs, et je te ferai un feu de joie digne de toi, mon héros, et digne de ta veuve. » Elle s'était exaltée, sa voix montait, vibrante, sous le ciel. Elle brandissait le poignard pris à l'Espagnol. Elle détacha la feuille qui entourait sa main, et jeta quelques gouttes du sang de sa blessure aux quatre coins de l'horizon. Et ce fut avec des clameurs sauvages qu'elle s'élança vers la forêt et disparut dans les ténèbres. De jour et de nuit, elle courut à travers les bois, sans souci des bêtes fauves et des broussailles aux épines empoisonnées, s'arrêtant à peine pour dévorer un fruit ou boire une gorgée d'eau fraîche dans le calice d'une fleur de liane. Enfin, elle arriva, haletante, épuisée, un village situé au bord de l'île, et qu'habitait une tribu amie, celle où Anakua était née. C'est là que Kawabo, livré de cela deux printemps à peine, était venu l'acheter à son père, et la prendre en croupe, et l'emporter joyeuse comme une proie. Maintenant Kawabo et son fils étaient morts, et elle revenait, la tête rasée, l'âme pleine de serpents, dans ce pays où avait fleuri son bonheur. Quand elle aperçut de loin son père, son cœur déborda, elle se mit à pleurer amèrement. Anakua apprit aux guerriers de sa famille qu'il ignorait encore l'arrivée des visages pâles et l'espoir qui retenait les blancs dans l'île. Elle leur dit la violation du cimetière, le massacre du village et le départ des Espagnols vers les mines de Cibao, où les conduisait un traître. Elle acheva en suppliant ses parents de l'aider à venger son époux et son fils. Mais elle eut beau insister, elle n'obtint pas le secours attendu. Du récit qu'elle leur avait fait, les Caraïbes conclurent, non sans raison, que les Espagnols constituaient des ennemis formidables, qu'eux-mêmes n'étaient pas menacés directement, qu'une fois leur récolte d'or achevée, les Blancs s'en retourneraient dans leur pays. Il y avait donc avantage pour la tribu à ne pas leur prouver son existence. « N'attirons pas sur nous la foudre !» répétaient les vieillards. Les prières d'Awakawa furent vaines. Ce que voyant, elle leur dit, « J'ai commencé par vous supplier, et vous n'avez pas daigné m'entendre. Dans votre courte sagesse, vous ne voulez pas admettre, ou vous ne voulez pas avouer, que le sort de vos frères sera bientôt le vôtre, et que les premiers Blancs qui viendront rayonneront dans toute la contrée. Soit, puisque vous refusez de m'aider contre l'ennemi commun, je saurai vous y contraindre. Je vous mettrai dans la nécessité d'attaquer les Blancs ou de mourir. Et si vous voulez me suivre, vous verrez comment je m'y prendrai. » Son père lui avait offert l'hospitalité. « Reste ici, » lui avait-il dit, « tu vieilliras où tu es né. » « Non, » avait répondu Anakua, « je veux que mon corps repose dans la vallée où s'était endormi mon époux. » Elle avait seulement accepté un cheval pour y retourner. En achevant cette menace, elle sauta sur la vaillante bête qui partit d'un galop vertigineux. Les chefs la suivaient du regard, inquiets. « Sa douleur l'affole, se dirent-ils. Elle est capable de nous perdre avec elle. Voyons ce qu'elle veut faire. » Ils s'élancèrent sur ses traces. Les 10 Espagnols restés, à leur grand dépit, dans le fort, après s'être assurés qu'aucun Indien n'avait dû survivre au massacre, convaincus d'ailleurs que les survivants ne devaient songer qu'à se cacher et à fuir, avaient extraordinairement simplifié le service de la place, réduit à une sentinelle. Celle-ci allait et venait entre le fort et la Santa Maria, échouée tout à côté sur la plage, et qu'une passerelle faisait communiquer avec le rempart. Grâce à cette précaution, la garnison dormait absolument tranquille. Cette nuit-là, bien que la lune commençât à descendre sur la mer, la garnison ne dormait pas encore. Enfermée dans la casemate qu'éclairait mal une lampe fumeuse, les Espagnols jouaient aux dés, écornant d'avance la charge d'or qui devait leur arriver de si bas haut. La voûte renvoyait des blasphèmes ou des cris de triomphe. Déjà, à plusieurs reprises, on avait tiré les couteaux. Soudain, un pétillement étrange vint déranger les joueurs. L'un d'eux courut à la porte, l'ouvrit. Un nuage de fumée emplit la case, puis des flammes jaillirent. « Le feu !» Tous se bousculaient pour sortir. Ils n'en eurent pas le temps. Une détonation retentit, puis un roulement de tonnerre, les murailles oscillaient, la terre s'ouvrit sous leurs pieds, dans une gerbe de flammes, la casemate sauta. Debout sur les rochers qui dominaient le cimetière, un Anakua riait d'un rire terrible. C'est elle qui, dès son retour, et à peine son cheval attaché à un arbre, s'était glissée en rampant dans l'ombre du fort. C'est elle qui avait surpris la sentinelle et lui avait coupé la gorge avec son poignard. C'est elle qui, à force de tourner une branche morte dans un trou du bordage, avait fait jaillir une étincelle, multiplié les foyers d'incendie et changé la Santa Maria en un immense brasier. Activé par elle et chassé par le vent, les flammes avaient gagné la passerelle et de là le fort. C'est à ce moment que, gêné par l'ardeur du feu, Anakua avait reculé jusqu'au cimetière. Bien lui en avait pris, car l'explosion du magasin de poudre lui fait sauter avec la casemate. Elle n'avait pas espéré un succès si prompt, une victoire si définitive. Une joie féroce illuminait ses traits. Elle riait de voir les explosions successives lancer en l'air les cadavres et les débris comme le sabot d'un cheval dissémine les cailloux. « Les étoiles aussi s'endort !» criait-elle. « Sautez donc les chercher !» Les Indiens de la tribu voisine, qui s'étaient élancés à la poursuite d'Anakua, venaient d'arriver en vue du golfe quand l'incendie de la Santa Maria, se communiquant au fort, atteignit la poudrière. Ils s'arrêtèrent, aussi épouvantés que leurs chevaux par cette éruption pareille à celle d'un volcan. Ils crurent à une catastrophe universelle et ne savaient où chercher un refuge, persuadés que l'île allait s'abîmer dans les flots. La voix d'Anakua les rassura. « Tout est fini !» leur criait-elle, triomphante. « De la maison bâtie par les Blancs, des Blancs eux-mêmes et de leurs armes magiques, rien ne reste que des cendres. Du navire qui devait les emmener dans quelques heures, rien ne restera. Je vous ai tenu parole. » J'ai ôté au visage pâle, parti pour Cibao, le moyen de retourner dans leur pays. Vous voilà enfermés avec eux dans cette île, condamnés à les exterminer ou à devenir leurs esclaves. Votre vie est à présent au prix de leur mort. » La veuve du cacique était si belle, debout sur ce piédestal de rocher, qu'empourprait les reflets sanglants de l'incendie. Une telle indignation, un tel désir de vengeance, faisait vibrer sa voix que tous ses guerriers tressaillirent. Ils crurent avoir vu, dominant ce cimetière, l'esprit même de la patrie, qui parlait au nom des aïeux. La honte les prit de s'être montré moins hardi qu'une femme, et ce fut avec des clameurs d'enthousiasme qu'ils s'offrirent à la suivre, à la seconder. « Marche devant nous, lui dirent-ils. Où tu iras, nous irons. Si la mort t'arrête, nous ne nous arrêterons pas. Nous ne prendrons de repos que quand nous l'aurons mérité. » Anakua rayonnait d'orgueil. « Allons donc, dit-elle. Je savais bien que vous n'hésiteriez pas longtemps. La forêt est pour nous. La forêt est contre eux. En avant, à Cibao. À Cibao, en avant !» Ce jour-là, la caravane espagnole était pleine de murmures. Sur le conseil de Ganagari, on avait cessé depuis le matin de suivre la rivière aux paillettes, qui pourtant, de l'avis de tous, devait être le chemin, sinon direct, au moins assuré. « Cet homme nous égare, » avait hasardé le juif. Et son opinion avait été partagée. Prends garde, avait dit Escovedo au sorcier. Si tu cherches à nous tromper, si tu nous as menti, tu n'auras fait que retarder le châtiment. Ton fils mourra. Vous verrez les mines d'or avant ce soir, avait répondu le vieillard. Mais le soir venait. La montagne était à moitié gravie, et les Espagnols ne rencontraient toujours qu'arbres monstrueux et réseaux de lianes. Les plaintes recommencèrent, mêlées de menaces à l'adresse du guide. Celui-ci semblait n'y pas prendre garde, et continue de marcher d'un pas automatique. Tout à coup, il s'arrêta et, sans dire un mot, étendit le bras. Escovedo, qui le suivait, eut un cri d'admiration que répéta bientôt toute la bande. La forêt cessait brusquement pour faire place à un terrain rocheux qui se continuait sans interruption jusqu'au sommet de la montagne. Or, le soleil qui frappait ces roches y mettait des scintillements fauves. Cette immense crête en friche était pavée d'or. Comme disait le poète de la troupe, ce pic se coiffait d'un bonnet de pépites. Ceci dépassait toute espérance. Les Espagnols restaient là, stupéfaits, éblouis, tâchant de calculer ce que les blocs représentaient de réaux. Leur joie ne fut pas bruyante. La réalisation de leurs rêves prenant de telles proportions les écrasait. Manassé était bien obligé de convenir qu'il avait cédé à des craintes ridicules. Ah, comme il regrettait de ne pas s'être trouvé là! Ses yeux jaunes semblaient refléter tout cet or. « Ai-je tenu ce que j'avais promis ?» demanda le sorcier au capitaine. « Oui, oui, » répondit celui-ci, « je ne l'oublierai pas. » C'était l'heure où, d'ordinaire, on s'occupait du campement. Mais personne ne songeait au repos. Ce formidable grenier de lingots donnait la fièvre aux plus fatigués. Il fut décidé qu'avant de s'installer pour la nuit, on ferait le relevé des mines dans toute leur étendue. Escovedo partagea sa petite armée en trois corps. Il prit le commandement de l'un, qui devait commencer le tour de la montagne du côté du sud. Il donna la direction de l'autre à l'alguazil, qui faisait fonction de lieutenant, et tenterait une reconnaissance dans la direction du nord. Il laissa le troisième sous les ordres de Don Toribio, en lui recommandant de mettre dès le lendemain les Indiens à l'ouvrage. Chacune des brigades avait avec elle un tiers de prisonniers, car il était convenu que si les mines se prolongeaient tout autour de la montagne, trois équipes de Caraïbes l'attaqueraient de trois côtés à la fois. Or, il y avait à peine une heure qu'Escovedo et l'alguazil étaient partis avec leurs hommes dans deux directions diamétralement opposées, quand un moine signala à Don Toribio des détonations qui se faisaient entendre du côté du nord. « C'est la troupe de l'alguazil qui chasse !» répondit l'inquisiteur. Mais les arquebusades se répétaient de façon inquiétante, et Don Toribio ne savait plus que penser. « On dirait plutôt un combat, » murmura-t-il, non sans émotion. « Est-ce que nos gens seraient tombés sur un village d'indigènes hostiles ? Ou leurs prisonniers auraient-ils tenté une révolte ?» Aucune de ces suppositions n'était la vraie, et cependant il s'agissait bien d'un combat. Brusquement, tandis que l'alguazil et ses hommes suivaient la lisière de la forêt, assez aisément praticable à cet endroit, il avait vu pleuvoir sur ceux qui l'entouraient une grêle de flèches. Il avait vu surgir de derrière les arbres une nuée d'Indiens. « Garde à vous » avait-il crié, et il s'était mis sur la défensive.